avez-vous remarqué? La plupart du temps, tu veux de quoi, tu cherches de quoi, tu trouves rien, tout ce que tu vois, tu cherches quoi, au moins tu le sais-tu bien pourquoi, en quoi tu crois, la même histoire, le même déboire qui se répète à chaque fois. On vient me parler de chance, on vient me parler de persévérance, on dit que les deux combinés, ça pèse bien lourd sur la balance. C'est peut-être pas faux, mais ce que j'en sais de mon expérience, c'est quand t'as eu ce que tu voulais, les vrais problèmes prennent tout leur sens. En ma seule présence, je ferai discours d'une seule souffrance, je donnerai pas la vie comme si la mort était une délivrance. En fait, c'est pas ce que je pense, c'est ce qui se passe, un pas de danse, tout s'entasse. La vérité, c'est qu'à travers tout ça, les années, eux, pis à travers toutes ces leçons, y'a moi-même qui cherche à comprendre, y'a moi-même qui cherche ou bien se rendre, quelle direction prendre, celle du rêve depuis que je suis jeune, celle que je vois dans mon sommeil toute la nuit, ce que j'en vis jusqu'au matin quand je déjeune, ou celle qui me garde en vie avec moi dans mes sommeils, me chuchote à mes oreilles, c'est que moi je t'aime, c'est pour la vie. Je me tords d'indécision, en conflit de situation, à chercher connotation, toujours faire les concessions. Facile à vivre, aimer parfois c'est dur, souvent injuste, mais c'est que je tiens à vivre avec toi, c'est jusqu'au bout, quand je te dis pas comme un livre, sauf que l'histoire comprend certains chapitres où ça dérive. Mais ça je suis prêt à faire avec, mais juste au fait ce que t'attends de moi, hein? Je le comprends, je le ressens, pour moi c'était comme si t'es dans le sens, signer le bac, pour moi c'était dac. Seulement si seulement y aurait rien d'autre à débattre. Mon rêve, un seul rêve me reste en tête, depuis des fêtes, depuis des lunes, depuis des jours, des nuits, et ça, ben ça m'embête. Je me casse la tête pour être à temps au rendez-vous, mais entre nous, si je suis pas souvent à l'heure pour penser de prendre chez vous. Mais ça je t'en remercie, tu me pardonnes, tu sais que ça fait partie de moi-même, tu l'as appris. Quand ça sonne, y'a déjà au moins une heure et demie de partie. Je me donnerais pas de raison telle, fallait que t'attendes mon appel, je voudrais même pas crier de séquelles. Comme si j'étais à court, tour pour tour, on tourne autour du pot au fur et à mesure des jours. On se demande si c'est nous qui tient la vie ou si c'est elle qui nous tient. Mais en fait c'est court la vie, donc je veux rien laisser tomber, vivre chaque moment. Pour l'instant c'est même dur d'être présent, qui arrange les choses de temps. Celui qui a dit ça, et ben tu sais quoi il nous manque, car je constate qu'aujourd'hui, ben y'a toujours pas de changement. Et surtout présentement j'avance à grands pas, pas de course du moins. Mais je suis dans le même rang, mais je reste toujours dans le même camp. Seulement c'est le résultat que j'attends. L'évolution se fait, mais la situation en reste au même présent, étant constamment acharné par le temps. Le temps d'un instant, le temps de dire que je t'aime et qu'en fait je suis présent. Même si parfois je me dois de partir pour un moment, un autre moment je sais, mais qu'est-ce que tu veux, mon rêve me hante. Et je tiens à faire ça, c'est le fantôme qui chante.